soit le cul posé sur le gazon d'une place ou d'un jardin public. Au beau milieu du salon, à faire les coups en alcoolique. Ce qu'on aime, c'est sortir les instrus, jouer n'importe quoi, pas d'heure, avec un penchant pour la rue. Et soit le poil derrière. Et ça fait foutre l'on picole à l'apéro, on répète un petit morceau, un poids boire, tant pis si on reste couché tard. Ça fait foutre l'on rigole, qu'on soit heureux de faire la fête auprès d'une bouteille de pinard entourée d'une bande de connards. Partir à l'accordéon dans le dos et déambuler au hasard. Des chansons à bourgoulot, quand les parpilles sur les trottoirs. Finir debout sur le comptoir, à faire chanter la voix publique. Croiser les sourires, les regards, c'est pour ça qu'on fait la musique. Et ça peut foutre l'on picole à l'apéro, on répète un petit morceau, un poids boire. Tant pis si on va se coucher tard. Et ça peut foutre l'on rigole, on soit heureux de faire la fête auprès d'une bouteille de pinard entourée du sang de connard. Un coin de bitume en guise de scène et trois marches pour poser nos fesses. Au Sacré-Cœur, chanter Cayenne, trois camions de CRS. Sur un fond de cadre à Bretelle, dans une ambiance un peu gavroche. C'est beau la vie, c'est Jean-Michel, une bonne partie de Power Baloche. Et ça peut être fou que l'on picole à l'apéro. On répète un petit morceau, un poids boire. Tant pis si on va se coucher pas. Et ça peut être fou que l'on rigole.